Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'histoire ne surgit pas dans l'espace public. Elle en est consubstantielle par un bâtiment, un nom de rue, une statue. Elle l'est aussi parce que les phénomènes de société ont toujours une profondeur historique, un mouvement social, une colère populaire, une épidémie. L'actualité ne peut pas se passer d'histoire. Et souvent, l'histoire elle-même fait l'actualité. Lors des commémorations, bien sûr. Et plus encore quand les historiens débattent entre eux. Parfois, c'est vif. Et puis, de temps en temps, le débat autour de l'histoire devient lui-même sujet d'actualité. Dans tous les cas, l'histoire permet de prendre de la hauteur. Oui, en histoire, il y a des hauts et surtout, il y a des bas. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux années charnières, l'histoire au tournant. Oui, ces années remarquables, alors parce qu'elles ont été construites intellectuellement ou parce que effectivement il y a eu des événements qui ont marqué les contemporains. 476, la chute de Rome, 1870 vers l'année terrible, ou alors de 1520 au seuil d'un nouveau monde à 1990, de la fin de tout au début de quelque chose. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast, ça c'est la balado-diffusion. Des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. L'occasion aussi de remercier les équipes du web de France Culture, Florent Latrive, Sébastien Lopokine, toutes leurs équipes qui font un travail remarquable. Plaisir de se perdre sur le site de France Culture, se perdre volontairement ou alors aller directement chercher l'info. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020, au sens où nous allons parler de 2020, année historique bien sûr, mais comment archiver le présent? Avec vous, Patrick Boucheron, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e à 16e siècle, et vous avez dirigé l'histoire mondiale de la France, mais pas seulement. Il y a votre ouvrage aussi, La Trace et l'Aura, et Conjurer la peur, c'était au seuil en 2013. Dites oui. Donc, quel titre qui fait écho à aujourd'hui, Conjurer la peur. C'est un titre qui revient sans arrêt, qui revient à notre bon souvenir. Voilà, que peut faire l'histoire aussi, hein. Ça, c'est votre leçon inaugurale au Collège de France et c'est une question qui fait aussi écho à l'actualité. Patrick Boucheron, il y a une question qui est intéressante quand nous voyons dans notre quotidien, en fait, dans ce que nous avons vécu et dans ce qu'ont vécu nos proches. La crise sanitaire a produit du document. Et surtout le désir de le conserver et de le produire davantage que le conserver. Parce qu'on sait bien, vous l'avez montré, dès qu'on parle de l'archive, l'archive, elle se collecte, mais elle se suscite aussi. Et nous avons la pulsion archiveuse en ce moment. C'est pas bon signe, c'est parce qu'on est inquiet, on se demande quelles traces tout cela va laisser. Les archéologues futurs du climat, par exemple, repéreront sans doute une petite couche où on aura moins dégazé, où on aura moins lâché de gaz dans l'atmosphère. Ils diront, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est la répétition générale de ce qui aura lieu plus tard, ou le dernier élan avant la catastrophe? Et puis il y a d'autres failles, non seulement dans les archives de la Terre, mais dans nos corps. C'est-à-dire qu'une maladie, c'est ça, on la porte, et on porte aussi la mémoire des maladies du passé. Puis il y a aussi les failles psychologiques, mais ça, c'est l'affaire des psychiatres et des psychanalystes. Mais ce que vous évoquez là, Patrick Boucheron, est essentiel, de montrer en fait tous ces aspects de la trace qui peut rester en histoire. L'historien travaille souvent sur la trace écrite, et puis pas seulement, la trace archéologique. Il y a cet impalpable, c'est pourquoi sur le moment de l'événement, les historiens contemporains peuvent réfléchir déjà à quelles traces laisser sur ce qui manque en fait souvent dans le passé. Et ça, on va en parler parce que ça a été une des choses à observer, me semble-t-il, dans les réactions sociales à l'épidémie, confinée, angoissée, incertaine. Nous avons, à bien des égards et de bien des façons, tenté de resserrer, de collecter, de rassembler. Alors ça a pris plein de formes, des formes à la fois officielles, étatiques, muséales, spontanées, joueuses, artistiques. Internet était évidemment le terrain de jeu. jeu de tout cela. Dans la revue Entretemps, dont je m'occupe avec des plus jeunes que moi, et ben on a archivé la manière dont les écrans au fond faisaient écran à nos inquiétudes, c'est-à-dire à la fois les transmettait et d'une certaine manière les voilait de jeux, de facéties, de parodies. Tout cela a l'air effectivement insignifiant. Les objets qu'on va collecter, par exemple le MUCEM à Marseille a organisé une collecte participative, c'est sa directrice scientifique Émilie Girard qui explique ça. Tous les objets qu'on a utilisés pendant ces moments-là, eh bien, on a envie de les considérer dans tous les sens du terme. Oui, et c'est très important de conserver tous ces objets car ils laissent une trace. Alors, pour nous-mêmes, j'ai envie de dire, déjà en donnant l'objet ou en laissant trace avec l'objet, nous prenons conscience nous-mêmes que nous avons vécu quelque chose de particulier. Parce que ce n'est pas quelque chose que nous faisons habituellement, de laisser un objet comme ça pour montrer le quotidien. Et après, on peut aussi s'interroger, parce que l'histoire, comme vous le dites, est matière à débat, sur cette précipitation. Dans la collecte mémorielle et peut-être, je dirais, dans la collecte émotionnelle. Voilà. J'ai trouvé surprenant et parfois inquiétant qu'on utilise comme précédent la mise en archive des mémoriaux éphémères du 13 novembre 2015. Guillaume Naon a expliqué ça très bien, qu'il dirige les archives de Paris et qui a effectivement réfléchi sur cette mise en archive immédiate des émotions collective. Et c'est étrange quand même, cette rapidité avec laquelle les pouvoirs publics ont voulu, au fond, je dirais, ne pas perdre le contrôle sur la mémoire d'un événement en cours. Parce que si c'est un événement, au fond, il sera ce qu'on en fera. Et il sera ce que on décidera d'en faire collectivement en discutant. Voilà. Et donc, le sens de l'événement, eh bien, il ne tombe pas comme la foudre. L'événement en histoire, c'est ce dont on parlait cette semaine dans votre émission, il est ce qu'on en fait. Et on doit le faire collectivement. Et ça commence effectivement à être un débat politique. C'est-à-dire que ce ne sont pas à des experts, même très informés, ce ne sont pas à des historiennes et historiens patentés seulement, de décider du cours de l'histoire. C'est-à-dire que le cours, au sens à la fois fluvial et j'allais dire presque boursier, eh ben, il se décide, au fond, en société. Oui, et en échappant même à la décision politique, parce que malgré la volonté de vouloir tout contrôler, il est des choses que l'on ne peut pas contrôler. C'est ces réflexions, Patrick Boucheron, vous avez évoqué effectivement les attentats de novembre 2015 qui ont été archivés immédiatement. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Une histoire particulière, c'était le 13 novembre 2016, qui évoquait comment Wikipédia, donc cette encyclopédie collaborative en ligne, a immédiatement réagi aux attentats de 2015. Alors comment on décide le 13 novembre de se mettre devant son ordinateur et de commencer la rédaction de cette page des attentats du 13 novembre ? Pour ma part, je ne suis arrivé sur cette page que le lendemain. J'ai juste constaté que la page avait été créée aux alentours de 22h, qu'elle a immédiatement, comme ça arrive assez souvent dans les 5 minutes suivantes, quelqu'un a posé un bandeau pour qu'elle soit immédiatement supprimée. Nous, Wikipédia, en fait, essaie d'être une encyclopédie, pas forcément un journal d'information. Et donc, il y a plein d'informations qui ont une valeur pendant 2-3 jours et qui après n'en ont plus forcément, quoi. Et de fait, l'article, vers 11h du soir, le 13 novembre, a été supprimé avant d'être recréé vers minuit. Et après, devenir un article imposant plusieurs dizaines de pages. Un article imposant de plusieurs dizaines de pages sur Wikipédia à propos des attentats du 13 novembre 2015, donc qui apparaît tout de suite au moment de l'événement. Ici, nous sommes dans ce cheminement complexe entre l'histoire, l'actualité, le journalisme presque, et puis l'émotion aussi. Il faut réussir à départager tout ça, Patrick Boucheron. L'émotion est systématiquement présente dans le cas de l'archivage du moment présent. Oui, dans le cas de Wikipédia, c'est intéressant. C'est moins une encyclopédie qu'un sismographe du contemporain. C'est-à-dire que ça enregistre effectivement les émotions collectives, les passions, l'intensité des investissements sur tel ou tel sujet, et aussi les disputes. Et cette question-là, effectivement, de la collecte émotionnelle, on comprend très bien qu'on en a besoin pour plein de raisons, pour conjurer la peur, peut-être. Mais au fond, il faut assez rapidement, me semble-t-il, discuter posément, je dirais, des conditions politiques et sociales de cette collecte. On peut prendre un autre exemple, très très rapidement, peut-être trop rapidement, j'en sais rien, on pourrait en discuter. Après le conseil scientifique qui guidait, ou en tout cas qui éclairait la décision publique, a décidé de créer une autre structure qui s'appelle Ad Memoriam, dirigée par Laetitia Atlani-Duo, qui faisait partie du premier conseil scientifique et qui est déjà chargée de réfléchir à la mémorialisation de l'événement. Alors c'est intéressant parce qu'elle est anthropologue. Et c'est intéressant effectivement de dire, voilà, cette crise a aussi été gérée comme ça. Dès le premier conseil scientifique de mars, il y avait des anthropologues. Parce que le professeur Delfrassi est globalement, les cadres de la santé publique en France, ils ont été formés par certaines crises, donc il y a déjà une mémoire, il y a déjà une histoire, en particulier Ebola, où en Afrique, on a très vite compris que, les médecins, les épidémiologistes, les virologues, ils avaient aussi besoin des anthropologues pour les éclairer sur qu'est-ce que c'était que les rituels funéraires, comment les gens allaient se rassembler, où était le danger. Bon, donc c'est très bien que des anthropologues, des sociologues soient tout de suite mis à contribution. Mais l'empressement avec laquelle effectivement les grandes agences de recherche publique tentent d'organiser les choses à la fois intéressante à observer et, à mon avis, à surveiller aussi sur un plan politique, parce que la mémorialisation d'un événement, elle est sujette à débat et elle doit pas être immédiatement monopolisée par la puissance publique. Il y a quelque chose d'intéressant dans cet institut Ad Memoriam, c'est que il y a pas seulement des historiennes, des historiens, il y a aussi des femmes et des hommes de religion. Ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, la coupure anthropologique du ou de la Covid, c'est sur les rituels funéraires, et donc la question de la mémoire peut se poser. Mais il est peut-être quand même un peu tôt de se poser la question d'un mémorial des victimes. Ce qui est complètement différent, effectivement. Et puis, il y a toujours cette idée de réfléchir dans le feu du moment qui... pour l'historien, pour l'historienne, est quelque chose de complexe. Parce que l'historien observe ce qui se passe. Il n'est pas là pour juger particulièrement, pour prendre part au débat en revanche. Et Patrick Boucheron, vous avez parlé de coupure. L'historien parlerait aussi facilement de rupture. Et ça, rupture, c'est ce qui vous intéresse, notamment sur ce que nous vivons. Oui, dès le mois d'avril, j'ai été alerté par une initiative que j'ai trouvée très heureuse et encourageante de collègues de l'enseignement secondaire des académies de Créteil, Grenoble et Poitiers qui voulaient faire travailler leurs élèves en première terminale sur l'événement en cours, c'est-à-dire au fond leur dire qu'est-ce qu'on demandait aux élèves devant leurs écrans de faire des devoirs. Bon, mais il y avait peut-être un autre type de devoir plus moral ou plus intellectuel qui était de réfléchir au changement dans la condition historique. Alors ces collègues se sont mobilisés pour au fond faire de leurs élèves des collecteurs de témoignages, des enquêteurs de la mémoire, et leur ont demandé, ce qui était très beau, d'aller parler pas seulement à leurs grands-parents, mais à leurs petites sœurs, pour essayer de faire la cartographie du changement qui était en train d'affecter notre condition historique. Et ça s'appelle justement le projet Rupture. Et c'était un mot très bien choisi, rupture, parce que cela correspond à ce qu'ont pu ressentir les contemporains, c'est-à-dire nous, la notion de rupture en histoire. C'est quelque chose d'essentiel. Nous étudions les dates, nous les regardons, parfois en oubliant ce que les gens les gens dans leur quotidien ont pu vivre. Là, nous avons un moment comme une évidence où le quotidien a été bouleversé, où tout le monde a été touché. Et puis, il y a cette notion de phénomène mondial, et j'utilise le mot mondial, Patrick Boucheron, en écho à votre histoire mondiale de la France. C'est quelque chose aussi de particulier, de vivre quelque chose en communauté. En communauté, c'est-à-dire à la fois instantanément, ensemble et séparément. Et je pense que ce qui caractérise la mondialité de la crise sanitaire, qui c'est vrai s'est déroulée à un rayon de courbure absolument inconnu jusque-là dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'elle a en même temps aiguisé notre perception des inégalités de conditions. C'est-à-dire qu'au moment où tous les gouvernements de la Terre ou presque affirmaient la valeur inconditionnelle de la vie, eh bien l'inégalité des vies, pour parler comme Didier Fassin, se voyait beaucoup. Et on l'a vu. Et on ne peut plus faire qu'on ne l'ait pas vu. Voilà, on l'a vu. Ça, c'est vu. Et on a vu, par exemple, que confinés en France et confinés en Inde, ça voulait pas dire du tout la même chose. On a eu un débat là-dessus avec Thomas Piketty, qui connaît très bien l'Inde, dans une revue qu'on a fondée aux éditions du Seuil qui s'appelle Paris-ci, la sortie. Et vous vous souvenez peut-être de cet extraordinaire texte de Arundhati Roy qui décrivait en termes hugoliens les pauvres qui sortaient des villes en Inde, hugoliens, parce que à la fois engagés, littéraires et documentés. Et on se dit, ah bah oui, là ça veut pas dire la même chose. C'est l'Inde, mais dans notre société française, on voit très bien que nous n'avons pas vécu de la même manière le confinement, qu'il y a des conditions très inégales, et d'une certaine manière, déconfiner l'exercice de l'histoire. C'est pas seulement dire aux élèves ou aux étudiants, bah allez-y, plus aux élèves qu'aux étudiants, parce qu'il faut quand même dire que malheureusement, dans l'échelle des priorités nationales, l'université est bien bas, et de cela aussi, à un moment, il faudra quand même parler, parce que franchement, ça aussi, ça s'est vu. Le peu d'estime dans lequel on porte le monde étudiant, d'une manière générale, et aussi ce qu'est l'université, c'est-à-dire un lieu de production de savoir et aussi d'échange et de débat intellectuel, là, je pense que c'est un problème qui est devant nous. Mais voilà, déconfiner l'exercice de l'histoire, ça veut dire, c'est devant nous, on va pas se contenter maintenant de réciter nos leçons, on va tenter de comprendre comment on peut agir sur ce monde. On va essayer de comprendre comment on peut agir sur ce monde avec cette expression que j'aime beaucoup, Patrick Boucheron, ça s'est vu. Parce qu'effectivement, ça s'est vu. Et c'est important, vous évoquez les inégalités, les décisions politiques aussi. Le ça s'est vu est une évidence. Et puis, il y a des choses qui ne se voient pas. Et c'est ce qui intéresse l'historien dans la volonté d'archiver le moment présent. C'est ce qui laisse des traces, alors elles peuvent être de tout type. Je vous propose d'écouter la lecture d'une lettre, d'une jeune lycéenne, elle s'appelle Lou Delegue. C'est Amélie Perrault qui travaille pour l'émission Le Cours de l'Histoire, dont elle fait la programmation. Oui, Amélie a des projets radiophoniques à côté. Elle a été enregistrée des lycéens, des lycéennes, pour lire des textes en rapport avec ce que nous avons vécu. Il y a quelque chose de banal dans ces textes, vous allez l'entendre, mais en même temps, pour l'historien, c'est essentiel, c'est du vrai document. Coucou papy, j'espère que tu vas bien et que tu t'occupes bien de mamie. Je t'écrivais juste pour prendre de vos nouvelles. Et toi, j'espère que tu t'ennuies pas trop. En tout cas, tu peux m'appeler quand tu veux. Je pense qu'on s'ennuie tous un peu en ce moment. Ici, tout va plutôt bien. Ça commence quand même à être long. On se marche dessus et je t'avoue que j'en peux plus d'être enfermée avec papa et maman. Du coup, j'ai juste une envie, c'est de retrouver mes amis. Et j'en peux plus des devoirs à la maison, je sature. Ah aussi, je me suis mise à faire des gâteaux qui sont absolument immangeables. Il faudra que je demande des conseils à mamie parce qu'ils finissent tout le temps cramés. D'ailleurs, en parlant de mamie, on a bien reçu les masques qu'elle nous a cousus et ils sont super beaux, on les adore. Tu pourras la remercier pour moi. Bref, j'espère que tout reviendra à la normale bientôt. Je trouve que c'est super stressant en ce moment entre les cours, le manque des proches, le corona, les médias qui en parlent. J'espère que tout ça se finira au plus vite. Faites très attention à vous et gros bisous. Une jeune lycéenne qui écrit à son grand-père un témoignage l'esprit par Amélie Perrault, qui a été cherchée comme ça auprès des uns, des autres, ces petits moments intimes. Alors bien sûr, voilà, c'est un texto, c'est une lettre. Mais pour l'historien, c'est un trésor d'avoir un tel document. Je voyais vos yeux briller, Patrick Boucheron, parce que vous étiez déjà en train de décortiquer tous ces éléments qui parlent de notre présent. Oui, ou de les reconnaître, simplement, parce que j'avais un peu la même chose à la maison, si j'ose dire. C'est quand même très touchant, on peut le dire, avant de faire notre l'historien, de reprendre la froideur méthodique de notre posture. C'est quand même très touchant la manière dont, en fait, les enfants et les adolescents se sont préoccupés des plus âgés et ont eu non seulement se sont inquiétés pour eux mais au fond se demandaient s'ils s'ennuyaient pas trop, etc. Bon voilà, donc il y a au fond cette question, c'est curieux quand même, cette crise a mis à l'épreuve la solidarité des générations, mais mettre à l'épreuve ça veut pas dire critiquer ou saccager, ça peut vouloir dire aussi renforcer. Bon, et tout cela évidemment s'observe dans les archives de l'intime, les archives. Alors, c'est pas une guerre, et les soignants n'étaient pas des poilus, c'est entendu. Les historiens l'ont rappelé avec force. Mais enfin, on sait aussi qu'il y a eu des milliards de cartes postales qui se sont milliards réellement, qui se sont échangées pendant la guerre de 14-18, et que c'est évidemment Clémentine Vidal-Naquel a montré une source magnifique pour comprendre de l'intérieur, c'est-à-dire pas seulement des rapports conjugaux, amoureux, filiaux, des familles, mais de l'intérieur, au fond, ce que ça fait, c'est-à-dire ce que ça nous fait. Voilà, l'histoire n'est pas simplement celle des généraux et des grandes batailles, c'est bien connu depuis bien longtemps, c'est aussi, au fond, la question n'est pas de documenter les faits du passé, mais ce que fait le passé lorsqu'il nous rentre dans le corps littéralement, et c'est vrai que c'est important de le rappeler, parce que bien sûr on se rappellera peut-être du grand confinement, mais nous étions enfermés dans les maisons comme disaient les Grecs, mais avec le monde dans le corps. Oui, et un accès au monde en plus, parce qu'il y avait ces communications facilitées. Et d'ailleurs, c'est merveilleux les communications, puisque nous allons pouvoir retrouver Myriam Piguet, qui est historienne doctorante à l'Université de Genève et qui prépare actuellement une thèse qui explore la carrière féminine au sein des secrétariats généraux de la Société des Nations Unies et de ce monde particulier qui est celui qui nous a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui, avec cette réflexion sur ce que nous devons faire aujourd'hui en tant qu'historien, historienne, et notamment collecter cette mémoire ordinaire de l'extraordinaire. C'est son projet. Bonjour Myriam Piguet. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très très bien. Merci d'être avec nous. Dites-nous, mais quel est ce projet que vous avez lancé, mémoire ordinaire de l'extraordinaire? Alors, je ne crois pas qu'on pourrait appeler ça un projet, c'était plutôt une tribune qu'on a écrite avec ma collègue Caroline Montebello, qui est également doctorante à l'Université de Genève. Une tribune qu'on a fait signer par une centaine d'historiens et d'historiennes, et qu'on a écrite au tout début du confinement, en réalité, donc dès le début du confinement. Avec ma collègue, on a réfléchi à la question de la mémoire de cet événement qui était en train d'arriver sur nous, quelque part, et notamment aussi de la reconnaissance de ceux qui continuent, en fait, qui continuaient à travailler pendant le confinement. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les médias par rapport à ça. Et on a été inspiré par ce qui avait été fait, notamment à Paris ou à Bruxelles après les attentats, pour écrire en fait une tribune qui appelle à la fois aux institutions pour récupérer en fait ces sources, créer des fonds d'archives, mais aussi aux populations pour faire réaliser à ces populations-là que ces sources-là sont importantes, que ces traces peuvent être conservées et aussi léguées à ces institutions, à ces centres d'archives. Alors cette tribune, donc oui, qui appelle quand même à une action à conserver les archives, s'adresse principalement aux autorités, mais il y a quelque chose en fait de plus global dans cette démarche, parce que votre vision de la chose se fait à l'échelle planétaire. Oui, alors on appelle ça dans la tribune un fait social total, donc pour nous c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de faire signer des historiens un peu partout et des historiennes un peu partout en Europe, et de publier la tribune dans trois médias francophones, un en Suisse, un en Belgique et un en France. Et avec toujours cette question de la sélection de l'archive. Alors, sélection de l'archive, c'est vrai que l'exhaustivité nous ferait plaisir de tout conserver, mais tout n'est pas conservé. Comment réfléchit-on au moment de mettre en place une telle réflexion sur ce qui doit être gardé et pas gardé, et plutôt sur ce que, dans le futur, l'on peut se voir reprocher en disant « mais pourquoi vous n'avez pas gardé ça ?» Je crois que pour nous, c'était aussi de faire marcher cette... de faire marcher la question de l'histoire sociale et de faire réaliser aux gens à travers cette tribune l'importance de cette histoire sociale là parce que quand on n'est pas historien parfois on peut penser que ces traces que tout est disponible alors qu'en réalité par exemple pour moi qui fais de l'histoire des femmes je peux parfois aller fouiller dans des choses qui sont plutôt étonnantes pour pouvoir retrouver les traces de ces femmes. Donc pour nous, c'était assez important de mettre en valeur en fait vraiment le fait qu'on a besoin de ces archives, des archives inclusives et citoyennes qui vont récupérer à la fois l'expérience des populations, peut-être par exemple par rapport au télétravail, ou bien l'expérience des gens qui ont continué à travailler et donc pas uniquement justement le caractère sensationnel de l'événement mais plutôt qu'est-ce que c'est que l'expérience de tous les jours de ce confinement. Oui, avec une question que je veux provocante, les sources, mais nous en avons trop des sources. Parfois, il est difficile de traiter l'ampleur des sources. Je pense aux historiens de la sécurité sociale, je les admire, comment vont-ils traiter des sources aussi grandes ? Le temps fait que certaines sources disparaissent et l'historien, dans le futur, reconstruit. Ici, il y a une démarche, une volonté déjà de réfléchir sur le moment pour aider le travail des historiens futurs. Est-ce que c'est un peu cela, votre démarche, Myriam Piguet ? Alors, je dirais qu'avec, de nouveau, ma collègue, pour nous, c'était à la fois un geste citoyen et un geste de chercheur que d'écrire cette chronique. L'idée était vraiment d'utiliser en fait notre métier pour faire quelque chose et peut-être c'est ça aussi que crée ce genre d'événement et ça c'est plus dans l'émotion et il est vrai qu'il y a beaucoup d'historiens et on le savait en écrivant la chronique qu'il y a la tribune qu'il y a énormément d'historiens et d'archivistes qui travaillent déjà à la conservation du temps présent. On était aussi très consciente qu'il y allait sûrement des projets tels que celui du MUCEN que vous avez cité ou bien en Belgique au niveau fédéral qui allait se lancer, mais pour nous c'était également très important d'aller en fait passer ce message peut-être aux gens qui ne sont pas des spécialistes, qui ne travaillent pas sur ça tous les jours, et de transmettre en fait ces réflexions-là peut-être à un public plus large que simplement celui des professionnels. Merci beaucoup Myriam Piguet de nous avoir parlé de cette tribune pour une mémoire ordinaire de l'extraordinaire. C'est un projet, c'est une réflexion, c'est un appel au débat. Patrick Boucheron, c'est un peu ça aussi qui nous intéresse dans ce moment particulier. La collecte de sources, de documents, la production même de documents est une chose. Mais le débat autour du moment est déjà intéressant. Bien sûr, parce que il faut aussi considérer que toutes ces initiatives sont là pour nous rassembler à nouveau et choisir aussi, je dirais, l'échelle et le sujet de nos rassemblements. Il n'y a pas qu'en France qu'on s'est soucié d'archiver nos émotions, nos objets, nos décisions pendant la crise sanitaire. C'est vraiment un mouvement mondial. Et il n'y a pas que le virus qui circule, il y a aussi l'émotion mondiale. Et c'est vrai que cette capacité qu'a eu la crise à nous faire voir des choses, à aiguiser notre regard et à, au fond, rendre plus inextinguible une certaine soif de justice et d'égalité, eh ben on a vu comment elle parcourait le monde depuis quelques semaines avec l'assassinat de George Floyd et comment tout cela, évidemment, remettait de la politique. On peut appeler ça du débat, de la discussion, mais c'est fondamentalement un espace politique qui est en train de se construire. Alors évidemment, il y aura beaucoup de forces qui vont tenter de ramener ce débat politique à, je dirais, des termes et des frontières franco-françaises, mais il n'y a rien à faire. Il est européen et il est mondial. et ce débat politique est intéressant parce qu'il fait souvent écho à l'actualité et l'historien bénéficie de documents. Alors, parfois, il lui manque un peu de l'intime. Ça, c'est plus difficile de toucher aux documents intimes. Il lui manque toujours, mais vraiment quasiment impossible à trouver, ce qui tient presque de l'inconscient, les documents sur le rêve. Même si vous, Patrick Boucheron, alors médiéviste que vous êtes, vous en croisez dans les vies de saints, c'est vrai que là, parfois, on voit des rêves. Hein. Il y a des songes qui surgissent soudain. Des songes politiques. Des songes politiques. Et là, pour la crise que nous avons traversée, il y a un autre projet, celui d'Hervé Mazurel, qui est historien, qui s'est associé à une psychanalyste, Elisabeth Serin, et qui ont collecté des rêves. Je vous propose d'écouter la lecture d'un de ces rêves dans le cours de l'histoire par Tatiana Werner. Je marche dans la rue principale de ma commune et me rends à la piscine. La rue est vide. Je marche en son milieu. Sur les trottoirs, des corps sont allongés, emmaillotés dans des linceuls blancs. Ces linceuls sont salis par du sang ou des excréments. C'est l'été, une fin d'après-midi. Un vent chaud souffle de manière continue. La tête des cadavres dépasse systématiquement des linges mortuaires. Il s'agit de personnes âgées, des femmes et des hommes par dizaines. J'arrive à la piscine. Dans le vestiaire, d'autres corps sont empilés sur des tréteaux. Je remarque deux cadavres dont le visage m'est familier dans ce rêve. Je ne les ai jamais vus dans la vraie vie, leur visage reste flou. Je me dis soudain que nous avions dîné ensemble la veille. Stupeur de constater que ces personnes fréquentées quelques heures plus tôt aient pu mourir si vite. Leurs paupières bougent. Je pense, au départ, à une réaction de morbidité propre aux chairs des cadavres. Puis, leurs yeux effarés s'ouvrent. Ils se redressent brusquement sur la table où ils gisent, entravés par leur drame mortuaire. Ils ne parlent pas, mais leurs regards prouvent qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font là. Je sors du vestiaire, me retrouve dans la rue et hurle, réclamant de l'aide. Au loin, je devine des individus, des membres d'un personnel hospitalier qui se penchent sur les cadavres de la rue. Ils sont habillés en tenue de protection blanche. Mais ils ne m'entendent pas. Rien n'y fait. Je me réveille. C'est un rêve collecté dans cette période de crise sanitaire, dans cette période de confinement, par l'historien Hervé Mazurel et la psychanalyste Elisabeth Serin, dans cette volonté qui nous intéresse aujourd'hui d'archiver le présent. Patrick Boucheron, un rêve, c'est vrai que c'est un document rare, la narration magnifique. D'un rêve. Oui, oui, Bernard Lahir a montré qu'on pouvait en faire une sociologie et Hervé Mazurel est en train de montrer avec d'autres qu'on peut en faire l'histoire. Il y a un beau numéro de la revue Sensibilité là-dessus, sur les rêves. Et ce qu'il y a derrière, c'est le grand livre de Charles Bérard, Rêvé sous le Troisième Reich, qui avait collecté pendant le nazisme les rêves avec cette idée que, au fond, ce qui marque... ce qui marquait en tout cas le nazisme, c'était que les gens pensaient qu'ils n'étaient qu'ils étaient en danger tout le temps et que même lorsque ils étaient dans chez eux, eh bien ça leur rentrait littéralement dedans. Et ce qu'elle avait montré, c'est que le rêve le plus récurrent sous le nazisme, c'est le fait que en fait il n'y avait pas de mur. Que la maison était transparente et que les autres nous voyaient rêver, aimer, parler, discuter. Et c'est très frappant parce que au fond, c'est ce qu'on entend aussi ici. Je suis pas psychanalyste, mais c'est ce qu'on entend dans ce rêve. C'est que la crise que nous avons traversée, elle a mis à l'épreuve le dedans et le dehors. C'est-à-dire que effectivement, on était enfermé dedans, mais pour avec la crainte que quelque chose de dehors, un virus, soit déjà en nous. Et puis on a passé nos temps pour en visioconférence à rentrer chez les gens par effraction, et eux-mêmes voyaient où on habitait. Enfin, c'est d'une violence terrible. Et donc évidemment, l'existence onirique en porte la trace. Et ces rêves sont des rêves d'effraction, sont effectivement des rêves où le dedans et le dehors, eh bien, se mélangent. Oui, et puis avec cette évocation d'aller à la piscine, il y a cette nudité, cette fragilité absolue. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous parlons de l'actualité de l'histoire, quand l'histoire se trouve au cœur de l'actualité, avec cette question, comment archiver le présent, comment l'histoire fait débat, et ça nous l'entendons, il y a un grand débat autour de l'histoire, et ce regard de l'historien qui alimente le débat. Patrick Boucheron, c'est vrai que vous avez évoqué il y a quelques instants ces rêves du nazisme, ce monde très compliqué qui engendre des effets dans notre être, dans ce que nous sommes, dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre manière de voir le monde. Vous avez dit également que tous les débats qui se construisent aujourd'hui sont en fait de la politique. Et le mot débat pourrait se remplacer par politique. Il y a des débats d'historiens, des débats qui ont fait parler. C'est le cas notamment avec un personnage qui nous a quittés. C'est un historien, grand historien. 21 juin 2020 disparaît Zef Sternel, historien qui a regardé l'histoire du fascisme et qui a créé la polémique, on peut le dire, qui a bougé les lignes en évoquant l'origine française du fascisme. Je vous propose d'écouter Zef Sternel qui parlait dans l'émission Réplique, c'était le 11 mai 2013. La période qui va des années 1880, en gros jusqu'à 1910-1914, jusqu'à la Grande Guerre, c'est la grande période d'incubation et c'est la période de laboratoire du fascisme, des idées fascistes dans leur ensemble. On est aujourd'hui plus ou moins d'accord dans le monde anglophone, notamment que les idées qui montent à la surface en France au cours de cette période constituent en fait l'armature conceptuelle, l'armature intellectuelle du fascisme. L'armature intellectuelle du fascisme serait française. C'est ce que dit Zef Sternel dans l'émission Réplique. C'était en mai 2013. Et pour nous parler de ce grand historien, nous avons aujourd'hui avec nous Nicolas Veil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde. Vous êtes l'auteur d'essais sur l'antisémitisme en France. Et surtout, en 2014, vous avez publié Histoire et Lumière. Histoire au singulier, Lumière au pluriel. Hein. Changer le monde par la raison. Ce sont des entretiens avec Zef Sternel qui nous a quittés. Il faut rappeler l'importance de sa pensée et les débats qu'elle a engendrés. Alors effectivement, j'ai envie, pour évoquer la mort de cet immense historien et qui était, je dois dire aussi, un ami, citer ce que dit un philosophe juif allemand exilé à Paris dans les années 30, un exilé du nazisme, qui se demandait pourquoi les historiens juifs cherchaient la cause de la réprobation des juifs. Il disait qu'il ne cessait de sonder les causes secrètes du choc comme pour en tempérer sa brutalité. Et peut-être il y a à la fois dans la vie et dans les travaux scientifiques de Sternel sur le fascisme une interaction qui laisse bien sûr à penser ce que peut être le destin d'un historien. Parce qu'on se demande pourquoi un homme, un survivant de la Shoah en Pologne, un combattant de toutes les guerres d'Israël, et puis un militant de la paix, puisqu'il a été un des fondateurs de Shalom Arshav, la paix maintenant, pourquoi une figure internationale d'historien, et pourquoi un tel homme s'est-il attaché, comme vous l'avez rappelé, dans des décennies durant, à démontrer l'existence d'un fascisme français sui generis, il faut bien le dire, au grand scandale des historiens français de la tradition Sciences Po, pour qui il n'existait pas de fascisme français. Il y avait trois droites, quoi, ce sont les droites de René Raymond. Oui, René Raymond qui d'ailleurs était l'ami de Zef Sternel, malgré leur divergence. Il a eu plus de problèmes avec ses élèves. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vision de la France comme laboratoire du fascisme à la fin du 19e siècle allait de pair avec un grand amour pour la France et surtout une absence totale de ressentiment. Il avait un rapport personnel à la France puisqu'il, en tant qu'orphelin de la Shoah, Il y avait vécu 4 années, a fait ses études au lycée d'Avignon. Donc il avait, et il est resté très attaché à notre pays. La plupart de ses livres, presque tous ses livres, ont été écrits directement en français. C'était sa langue de culture. Il pensait aussi que si la France avait été le laboratoire du fascisme, c'était parce que au XIXe siècle, c'était le pays le plus démocratique et le plus libéral, et qu'il opposait au fascisme ce qu'il appelait les lumières franco-kantiennes, c'est-à-dire un modèle de lumière qu'on pourrait opposer aussi aux lumières allemandes. Il admirait beaucoup, y compris pour son pays, Israël, la laïcité à la française. Et enfin, en France, il estimait que on pouvait voir comment le fascisme, dont il a été un spécialiste, ne devait pas s'étudier sous ses formes paroxystiques, c'est-à-dire mussoliniennes ou nazies, mais également comme un mouvement intellectuel de longue haleine qui plongeait des racines très lointaines, qu'il a étudiées dans son livre Les Antilumières, et qui était non seulement un mouvement violent, mais également un mouvement intellectuel qui a mobilisé des penseurs importants. Et justement, Patrick Boucheron, c'est vrai que sur cette idée que le fascisme ne se réduit pas à son aspect le plus évident, le plus visible, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, là, nous avons un vrai apport de Zef Sternel. C'est évident, et cet apport, il a d'abord été récusé sur le mode « mais ce n'est que de l'histoire des idées ». Mais au fond, ce qui était en jeu, et dès les années 80, moi je suis né là-dedans, hein, mais je crois que ni droite ni gauche, ça doit dater de le livre de Sternel de 1983, je passais le bac, bon, j'ai toujours entendu parler de ça. Ce dont il est question plus profondément, c'est de savoir si la tentation fasciste est une maladie chronique ou non. Et là, on rejoint y compris notre imaginaire épidémiologique, parce que Michel Daubry, qui est l'historien qui a fait l'histoire de cette querelle, a parlé du mythe de immunitaire de la France. C'est-à-dire qu'il y a effectivement chez les élèves de René Raymond l'idée que la France serait immunisée contre le fascisme. Là, je pense que Sternel, effectivement, je dis pas qu'il avait raison, mais enfin, en tout cas, il pointe quelque chose qui est, au fond, les potentialités de l'histoire. Voilà, les potentialités de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de forcément, de peut-être pas réalisé. On peut discuter des croix de feu, on peut discuter de Barrès, etc. Mais qui est en germe, là encore, pardon, je parle en termes épidémiologiques, en germe une possibilité de reprise, de retour, de rechute. Et ça, c'est quelque chose que on négligeait dans les années 80, tout à la gloire de l'histoire sociale, et que l'on comprend mieux aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, c'est pour moi un historien très important, et puis aussi, comme le dit Nicolas Veil, un combattant de la paix, avec, au fond, toute la l'ambiguïté de cette expression. Il était passionné de Tsahal, de son pays, de un patriote, et c'est effectivement un défenseur ardent de la paix. Et c'est ça l'essentiel. En plus, c'est vrai qu'avec Sternel, il y a ce mélange de sa vie et de sa pensée. Nicolas Veil, un des apports essentiels, au-delà de ses ouvrages, au-delà de ses engagements, c'est peut-être d'avoir suscité le débat. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, le débat, la discussion, le dialogue. Et lui, il a mis ça dans l'espace public et c'était important. Il en faisait une question de méthode, parce que il était souvent, peut-être c'était la période qui voulait cela, la période qu'il définit comme celle des années 1970-80, qui correspond à ni droite ni gauche, mais où un certain nombre d'anciens intellectuels de Vichy reconvertis dans la guerre froide ont à un moment pensé relever la tête. Et il s'est attaché à, justement, et c'était vraiment quelque chose d'important pour son travail, à revenir aux sources écrites en temps réel. Il disait souvent que l'historien, c'était celui qui était payé pour lire des choses absolument indigérable, comme par exemple toutes les collections de La Cocarde, du journal La Cocarde, journal boulangiste que Barrès a fait paraître à Nancy, et qui entaille un petit peu l'image qu'on voulait donner de Barrès comme d'un penseur qui, ayant été anti-Dreyfusard, se serait converti au philo-sémitisme puis au philo-sionisme avec la guerre de 14. Pour lui, les traces écrites en temps réel, c'était ça l'objet archivistique historien par excellence. Et il disait, ce qui est intéressant, et c'est là où on voit l'entrelacement entre la vie et le travail scientifique, il disait dans le livre que nous avions fait ensemble que l'armée m'a appris la relativité des points de vue. Quelqu'un qui est posté au combat à 500 mètres peut avoir une perspective radicalement différente de la vôtre. Bien sûr, cela n'implique jamais aucun relativisme quant au déroulement de la bataille, et je ne me suis jamais senti comme Fabrice à Waterloo. Oui, il avait vu. C'est vrai que cette question de point de vue, c'était au cœur de notre discussion autour de l'archivage. D'où nous situons-nous et que regardons-nous? Merci beaucoup Nicolas Veil de nous avoir apporté à la fois ce témoignage et cette analyse sur Zef Sternel qui vient de décéder. Patrick Boucheron, aujourd'hui, puisque nous parlons du débat en histoire, nous ne pouvons pas ne pas évoquer ce qui est au cœur de la société, ce sont ces statues, le déboulonnage des statues. Il n'est pas possible, en quelques minutes, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, de donner une réponse. De toute façon, il n'est peut-être pas possible en soi de donner une réponse, un oui, un non, faut-il déboulonner ou ne pas déboulonner. Ce que je voudrais évoquer avec vous, Patrick Boucheron, c'est l'importance du débat. En fait, c'est ça que nous sentons aujourd'hui, le besoin de politique. Oui, et l'arène dans laquelle, effectivement, ce besoin de politique va s'exprimer. Avec Zef Sternel, on parle d'un débat d'historien qui devient virulent, un peu obsessionnel et obscur à la fin, y compris aux historiens professionnels eux-mêmes. Avec la demande sociale, les pressions, l'agitation, on va dire, intellectuelle et mémorielle autour de la colonisation, du racisme, on parle d'autre chose. C'est pas les historiens qui ont, on n'a pas fait de découverte sur Colbert. Mais simplement, ce qu'on découvre aujourd'hui, alors certains s'en indignent, d'autres s'en réjouissent, je pense qu'il faut simplement le constater, c'est que Colbert est un nom qui ne dit pas la même chose à quelqu'un qui a fait Sciences Po et l'ENA, et qui se fait une idée de Colbert, qui a une idée un peu loin du personnage, qui est celle du colbertisme, qui est en fait le fondement, on pourrait même dire le fétiche, des élites culturelles ou dirigeantes françaises. Et puis un militant de la cause noire qui verra d'abord justement le code noir. Et ces deux visions sont deux... on peut dire au fond que dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Colbert historique, mais ça a tout à voir avec notre rapport au passé. Et ce rapport au passé, on ne doit pas le bloquer, le discipliner, l'ordonner par je ne sais quelle commission. On doit simplement admettre qu'il est soumis, oui, à débat. Mais là, c'est pas des débats d'historiennes et d'historiens patentés, c'est le débat de tout le monde. Alors, ça peut déplaire, mais j'allais dire que de toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est une matière vivante, l'histoire. Ça crée là aussi des passions. Et puis on a commencé gentiment avec notre mémoire familiale, notre mémoire de l'événement. Mais nous portons l'histoire. Nous portons l'histoire de la nation, du monde, et on peut pas, on pourra très bien tempêter du haut de sa chair, on ne pourra pas faire que, à un moment donné, des souvenirs, les souvenirs de la France coloniale deviennent réellement, sincèrement, insupportables à certaines générations, ou à certains milieux sociaux, ou à certaines communautés, parce qu'ils portent aussi cette histoire. Et de tout cela, on doit apprendre à débattre. Alors, si possible, pas en reprenant les marronniers franco-français où là, on se dit mais c'est pas possible, on va avoir tout le kit, toute la panoplie. La semaine prochaine, c'est le burkini. Enfin, faut quand même être un petit peu raisonnable. Il y a des moments où on doit aussi se porter à la hauteur, j'allais dire à la dignité de l'événement en cours. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, il n'était pas possible de réfléchir sur oui ou non les statuts. Il aurait fallu consacrer une heure entière. La complexité est une bonne chose dans cette question-là, d'où l'intérêt d'aller lire les écrits. Vous, Patrick Bouchon, vous avez publié un texte, une réflexion, et il faut aller vers ces réflexions-là, se poser et lire les uns les autres. J'ai répondu à Catherine Portevin hier ou avant-hier pour Philosophie Magazine, pour le net, de manière assez discrète, mais ça tient en un mot. Notre métier ne consiste pas à discipliner le passé, mais à le compliquer. Voilà, ne pas discipliner le passé, mais compliquer, apporter des éléments de réflexion sur ce débat. Merci beaucoup à vous, Patrick Boucheron, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission cette année. Perret Legras, Thomas Jost, Clément Nouguier. Merci aux équipes techniques de Radio France qui ont permis, dans des conditions très particulières parfois, de réaliser en continu. Non, mais il faut le rappeler, hein, cette maîtrise technique de Radio France est un véritable trésor. Merci à l'équipe du cours de l'histoire. Nous avons traversé une très belle année. C'était la première de la saison. Marion Dupoint, Toscane, Judas Camille, André Camille, Rijad, Amélie Perrault. Merci beaucoup à vous toutes. Merci à Naïs Kien. Merci aussi à Sandrine Trainer et à Vincent Lemaire, la direction. Mais c'est important parce que leur confiance est essentielle. Merci aux historiens, historiennes, auteurs, cinéastes, tous nos invités qui sont venus, qui ont partagé le goût de l'histoire. Et puis merci aux auditeurs, de plus en plus nombreux, faut le dire, mais ça fait toujours plaisir. Venus du monde entier, c'est magique la francophonie. Et surtout, cet amour de l'histoire universelle nous porte. Nous nous retrouvons en septembre prochain en direct. Et nous nous retrouvons dès lundi prochain pour continuer à écouter l'histoire en écho au présent.